Longuement, alors, il la conta. L'abbé Peyramal était curé de Lourdes au moment des apparitions. C'était un homme grand, aux fortes épaules, à la puissante tête léonine, un enfant du pays, d'une intelligence vive, très honnête, très bon, mais violent parfois et dominateur. Il semblait fait pour la lutte, ennemi de toute exagération des votes, remplissant son ministère en esprit large. Aussi se méfia-t-il d'abord. Il refusa de croire au récit de Bernadette, la questionna, exigea des preuves. Ce fut plus tard seulement, lorsque le vent de la foi devint irrésistible, bouleversant les plus rebelles, emportant les foules, qu'il finit par s'incliner. Et encore fut-il surtout conquis par son amour des humbles et des opprimés, le jour où il vit Bernadette menacée d'être conduite en prison. Les autorités civiles persécutaient une de ses ouailles, son cœur de pasteur s'éveilla. Il mit à la défendre son ardente passion de la justice. Puis, le charme de l'enfant avait opéré sur lui. Il la sentait si ingénue, si véridique, qu'il se prit à croire aveuglément en elle, à l'aimer, comme tout le monde l'aimait. Pourquoi écarter le miracle quand il est partout dans les livres saints? Ce n'était pas à un ministre de la religion, si prudent fût-il, qu'il appartenait de faire l'esprit fort, lorsque des populations entières s'agenouillaient et que l'Église semblait à la veille d'un nouveau et grand triomphe. Sans compter que le conducteur d'hommes qui était en lui, le remueur de foule et le bâtisseur, avait enfin trouvé sa voie, le vaste champ où il pourrait agir, la grande cause à laquelle il se donnerait tout entier, avec sa fougue et son besoin de victoire. Dès ce moment, l'abbé Peyramal n'eut plus qu'une pensée, exécuter les ordres que la Vierge avait chargé Bernadette de lui transmettre. Il veilla à l'aménagement de la grotte. Une grille fut posée, on canalisa l'eau de la source, on fit des travaux de terrassement pour dégager les abords. Mais surtout, la Vierge avait demandé qu'on construisît une chapelle, et lui voulut une église, toute une basilique triomphale. Il voyait grand, bousculant les architectes, exigeant d'eux des palais dignes de la reine du ciel, plein d'une sereine confiance dans l'aide enthousiaste de la chrétienté entière. D'ailleurs, les dons affluaient, l'or pleuvait des diocèses les plus lointains, une pluie d'or qui devait grandir et ne jamais cesser. Ce furent alors ces années heureuses. On le rencontrait à chaque heure parmi les ouvriers, qu'il activait en brave homme aimant à rire, toujours sur le point de prendre lui-même le pic et la truelle, dans sa hâte à voir se réaliser son rêve. Mais les temps d'épreuve allaient venir. Il tomba malade, il était en grand danger de mort le 4 avril 1864, lorsque la première procession partit de son église paroissiale pour se rendre à la grotte. Une procession de 60 000 pèlerins qui se déroulait au milieu d'un concours de foule immense. Le jour où l'abbé Peyramal, sauvé une première fois de la mort, se releva, il était dépossédé. Déjà, pour le suppléer dans sa lourde tâche, l'évêque, Monseigneur Laurence, lui avait donné un aide. Un de ses anciens secrétaires, le père Sampé, dont il avait fait le directeur des missionnaires de Garaison, une maison fondée par lui. Le père Sampé était un petit homme, maigre et fin, d'une apparence désintéressée, très humble, brûlé au fond de toutes les soifs de l'ambition. D'abord, il s'était tenu à son rang, servant le curé de Lourdes en subordonné fidèle, s'occupant de tout pour le soulager, se mettant au courant de tout dans le désir de se rendre indispensable. Immédiatement, il dut comprendre quelle riche ferme allait devenir la grotte, quel revenu colossal on en pouvait tirer, avec un peu d'adresse. Il ne quittait plus l'évêché, il s'était emparé de l'évêque, très froid, très pratique, qui avait de grands besoins d'aumône. Et ce fut ainsi qu'il réussit, lorsque l'abbé Peyramale tomba malade, à faire définitivement séparer de la cure de Lourdes le domaine entier de la grotte, qu'il fut chargé d'administrer à la tête de quelques pères de l'Immaculée Conception, dont l'évêque le nomma supérieur. La lutte bientôt commença, une de ces luttes sourdes, acharnées, mortelles, comme il y en a sous la discipline ecclésiastique. Une cause de rupture était là, un champ de bataille où l'on allait se battre à coups de millions. La construction d'une nouvelle église paroissiale, plus grande et plus digne que la vieille église existante, dont l'insuffisance était reconnue depuis l'affluence sans cesse accrue des fidèles. C'était d'ailleurs une idée ancienne de l'abbé Peyramale, qui voulait être le strict exécuteur des ordres de la Vierge. Elle avait dit, en parlant de la grotte, « On y viendra en procession ». Et il avait toujours vu les pèlerins partir en procession de la ville, où ils devaient rentrer d'eux-mêmes le soir, comme, du reste, cela s'était fait d'abord. Il fallait donc un centre, un point de ralliement. Et il rêvait une église magnifique, une cathédrale aux proportions géantes, pouvant contenir tout un peuple. Avec son tempérament de constructeur, d'ouvrier passionné du ciel, il la voyait déjà monter du sol, dresser au grand soleil son clocher, bourdonnant de cloches. C'était aussi sa maison qu'il voulait bâtir, son acte de foi et d'adoration, le temple dont il serait le pontife, où il triompherait avec le doux souvenir de Bernadette, en face de l'œuvre dont on l'avait dépossédé. Naturellement, dans la profonde amertume qu'il en ressentait, cette nouvelle église paroissiale était un peu une revanche, sa part de gloire à lui, une façon encore d'occuper son activité militante, la fièvre qui le consumait. Depuis que, le cœur meurtri, il avait même cessé de descendre à la grotte. Au début, ce fut de nouveau une flambée d'enthousiasme. L'ancienne ville, qui se sentait mise à l'écart, fit cause commune avec son curé, devant la menace de voir tout l'argent, toute la vie, aller à la cité nouvelle, poussant de terre autour de la basilique. Le conseil municipal vota une somme de 100 000 francs qui, fâcheusement, ne devait être versée que lorsque l'église serait couverte. Déjà, l'abbé Peyramale avait accepté les plans de l'architecte, un projet qu'il avait voulu grandiose, et traité avec un entrepreneur de Chartres, lequel s'engageait à finir l'église en 3 ou 4 ans, si les versements promis se faisaient avec régularité. Les dons allaient sûrement continuer à pleuvoir de partout. L'abbé se lançait dans cette grosse affaire sans inquiétude, débordant d'une vaillance insoucieuse, comptant bien que le ciel ne l'abandonnerait pas en route. Il se crut même certain de l'appui du nouvel évêque, Monseigneur Jourdan, qui, après avoir béni la première pierre, prononça une allocution où il reconnut la nécessité et le mérite de l'œuvre. Et il semblait que le père Sempé, avec son humilité habituelle, se fût incliné, acceptant cette concurrence désastreuse qui devait le forcer à partager, car il affectait de se donner entièrement à l'administration de la grotte. Il avait même laissé mettre dans la basilique un tronc pour la nouvelle église paroissiale en construction. Puis la lutte sourde, la lutte enragée recommença. L'abbé Peyramale, qui était un détestable administrateur, exultait en voyant son église grandir rapidement. Les travaux étaient menés bon train. Il ne demandait rien autre chose, toujours convaincu que la Sainte Vierge paierait. Ce fut chez lui une stupeur, lorsqu'il s'aperçut enfin que les aumônes se tarissaient, que l'argent des fidèles ne lui arrivait plus, comme si quelqu'un dans l'ombre en avait détourné la source. Et le jour vint où il lui fut impossible de faire les paiements promis. Il y avait eu là tout un étranglement savant, dont il ne se rendit compte que plus tard. De nouveau, le père Sempé devait avoir ramené sur la grotte la faveur exclusive de l'évêque, On parla même de circulaires confidentielles distribuées dans les diocèses, pour que les envois d'argent ne fussent plus adressés à la paroisse. La grotte vorace, la grotte insatiable voulait tout, dévorait tout, et les choses allèrent à ce point que des billets de 500 francs mis dans le tronc à la basilique furent gardés. On dépouillait le tronc, on volait la paroisse. Mais le curé, dans sa passion pour l'église grandissante, qui était sa fille, résistait avec violence, aurait donné son sang. Il avait d'abord traité au nom de la fabrique, puis, quand il ne sut comment payer, il traita en son nom personnel. Sa vie n'était plus que là. Il s'épuisa en efforts héroïques. Sur les 400 000 francs promis, il n'avait pu en donner que 200 000. Et le conseil municipal s'entêtait à ne pas verser les 100 000 francs votés avant que l'église fût couverte. C'était aller contre les intérêts évidents de la ville. Le père Sampé, à ce qu'on racontait, agissait secrètement auprès de l'entrepreneur. Brusquement, il triompha, les travaux furent arrêtés. Dès lors, ce fut l'agonie. Le curé Peyramale, ce montagnard aux épaules larges, à la face léonine, frappé au cœur, chancela et s'abattit, ainsi qu'un chêne foudroyé. Il s'alita, il ne se releva plus. Des histoires couraient. On disait que le père Sampé avait tâché de s'introduire à la cure, sous un pieux prétexte, pour être certain que son adversaire redouté était bien blessé mortellement. Et on ajoutait qu'on avait dû le chasser de cette chambre douloureuse, où sa présence était un scandale. Puis, quand le curé fut mort, abreuvé d'amertume, vaincu, on put voir le père Sampé triomphant aux obsèques dont on n'avait point osé l'écarter. On prétendit qu'il y afficha une joie abominable, le visage rayonnant de son triomphe. Enfin, il était donc débarrassé du seul homme qui lui faisait obstacle, dont il craignait la légitime autorité. Il ne serait plus forcé de partager avec personne, maintenant que les deux ouvriers de Notre-Dame de Lourdes se trouvaient supprimés, Bernadette au couvent, l'abbé Peyramale dans la terre. La grotte n'était plus qu'à lui, les aumônes ne viendraient plus qu'à lui. Il emploierait à son gré le budget de 800 000 francs environ, dont il disposait chaque année. Il achèverait les travaux gigantesques qui feraient de la basilique tout un monde se suffisant à lui-même. Il aiderait à l'éclat de la ville nouvelle pour isoler davantage l'ancienne ville, la reléguer derrière son rocher, ainsi qu'une paroisse infime noyée dans la splendeur de sa voisine toute puissante. C'était la royauté définitive, tout l'argent et toute la domination. Pourtant, la nouvelle église paroissiale, bien que les travaux fussent abandonnés et qu'elle dormît dans son enclos de planches, était plus d'à moitié construite jusqu'aux voûtes des bas-côtés. Et il restait là une menace si quelque jour la ville tentait de la finir. Il fallait achever de la tuer, elle aussi, en faire une ruine irréparable. Le sourd travail continua donc, une merveille de cruauté, de destruction lente. D'abord, le nouveau curé, une simple créature, fut conquis, à ce point qu'il ne décachetait même plus les envois d'argent adressés à la paroisse. Toutes les lettres chargées étaient portées directement chez les pairs. Ensuite, on critiqua l'emplacement choisi pour la nouvelle église. On fit rédiger par l'architecte diocésain un rapport qui déclarait l'église ancienne très solide et suffisante aux besoins du culte. Mais surtout, on pesa sur l'évêque. On dut lui représenter le côté fâcheux des difficultés d'argent survenues avec l'entrepreneur. Ce Peyramale n'était plus qu'un homme violent, entêté, une sorte de fou dont le zèle indiscipliné avait failli compromettre la religion. Et l'évêque, oubliant qu'il avait béni la première pierre, lança une lettre pour mettre l'église en interdit, avec défense d'y célébrer tout service religieux, ce qui fut le coup suprême. Des procès interminables s'étaient engagés. L'entrepreneur, qui n'avait reçu que 200 000 francs sur les 500 000 francs de travaux exécutés, venait d'attaquer l'héritier du curé, la fabrique et la ville, cette dernière se refusant toujours à verser les 100 000 francs votés par elle. D'abord, le conseil de préfecture se déclara incompétent. Puis, le conseil d'État, lui ayant renvoyé l'affaire, il condamna la ville à donner les 100 000 francs et l'héritier à terminer l'église, tout en mettant la fabrique hors de cause. Mais il y eut un nouveau pourvoi devant le conseil d'État, qui cassa l'arrêt, et cette fois, retenant l'affaire, il condamna la fabrique, ou à son défaut l'héritier, à payer l'entrepreneur. Ni l'une ni l'autre n'était solvable, la situation en resta là. Ces procès avaient duré 15 années. La ville s'étant résignée à donner ses 100 000 francs, on ne devait plus à l'entrepreneur que 200 000 francs. Seulement, les frais de toutes sortes, les intérêts accumulés avaient grossi cette somme à un tel point qu'elle atteignait désormais le chiffre de 600 000 francs. Et comme, d'autre part, on estimait à 400 000 francs l'argent nécessaire à l'achèvement de l'église, c'était donc 1 million qu'il fallait pour en sauver la jeune ruine d'une destruction certaine. Dès ce jour, les pères de la grotte purent dormir tranquilles. Ils l'avaient assassinée. L'église, à son tour, était morte. Les cloches de la basilique sonnèrent à toute volée. Le père Sampé régna victorieux au sortir de cette lutte gigantesque, cette guerre au couteau, où l'on avait tué des pierres après avoir tué un homme, dans l'ombre discrète des sacristies. Et le vieux Lourdes, têtu et inintelligent, porta durement la peine de ne pas avoir mieux soutenu son curé, qui était mort à la peine pour l'amour de sa paroisse, car dès lors la ville nouvelle ne cessa de grandir et de prospérer aux dépens de l'ancienne ville. Tout l'argent allait à la première. Les pères de la grotte battaient monnaie, commanditaient des hôtelleries et des boutiques de cierges, vendaient l'eau de la source, bien qu'il leur fût défendu de se livrer à aucun négoce, d'après une clause formelle de leur contrat avec la commune. Le pays entier se pourrissait. Le triomphe de la grotte avait amené une telle rage de lucre, une fièvre si brûlante de posséder et de jouir, que, sous la pluie battante des millions, une perversion extraordinaire s'aggravait de jour en jour, changeait en Gomorre et en Sodome le Bethléem de Bernadette. Le père Sampé venait d'achever le triomphe de Dieu dans l'abomination humaine au milieu du désastre des âmes. Des constructions géantes poussaient du sol. 5 ou 6 millions étaient déjà dépensés. On avait sacrifié tout à cette volonté absolue de tenir la paroisse à l'écart, afin de garder la proie entière. Les rampes colossales, si coûteuses, n'étaient là que pour éluder le vœu de la Vierge, demandant qu'on vînt à la grotte en procession. Ce n'était pas y aller en procession que de descendre de la basilique par la rampe de gauche, puis d'y remonter par la rampe de droite. C'était tourner sur place. Mais les pères avaient réussi à ce qu'on partît de chez eux pour revenir chez eux, de façon à être les uniques propriétaires, les fermiers magnifiques engrangeant toute la moisson. Le curé Peyramale était enterré dans la crypte de son église, inachevée et en ruine. Et Bernadette avait longtemps agonisé au loin, au fond d'un couvent, où elle dormait aussi à cette heure, sous la dalle d'une chapelle. Un grand silence tomba lorsque le docteur Chassaigne eut terminé ce long récit. Puis il se leva péniblement. « Mon cher enfant, il va être 10 heures, et je veux que vous vous reposiez un peu. Retournons. » Pierre, silencieux, le suivit. Ils revinrent vers la ville d'un pas plus rapide. « Ah oui, » reprit le docteur, « il y a eu là de grandes iniquités et de grandes douleurs. Que voulez-vous ? l'homme gâte les œuvres les plus belles. Et vous ne pouvez vous imaginer encore l'affreuse tristesse des choses que je viens de vous conter. Il faut voir, il faut toucher du doigt. Désirez-vous que je vous fasse visiter ce soir la chambre de Bernadette et l'église inachevée du curé Peyramale ? Certes, très volontiers. Eh bien, après la procession de 4 heures, je vous retrouverai devant la basilique. Vous viendrez avec moi. Et ils ne parlèrent plus, perdus chacun dans sa rêverie. Sur leur droite, maintenant, le Gave coulait dans une gorge profonde, une sorte d'entaille où il s'engouffrait, comme disparu parmi des arbustes. Mais parfois, on en revoyait une coulée claire, pareille à de l'argent mat. Plus loin, après un brusque détour, on le retrouvait élargi au travers d'une plaine, s'étalant en nappes vives qui devaient changer souvent de lit, car le sol de sable et de cailloux était raviné de toutes parts. Le soleil commençait à être brûlant, déjà haut dans le vaste ciel, dont le bleu limpide se fonçait d'un bord à l'autre de l'immense cirque des montagnes. Ce fut à ce détour de la route que Lourdes reparut, lointain encore, aux yeux de Pierre et du docteur Chassaigne. Sous la splendide matinée, la ville blanchissait à l'horizon, dans une poussière volante d'or et de pourpre, avec ses maisons, ses monuments de plus en plus distincts à chaque pas qui les en rapprochait. Et le docteur, sans parler, finit par montrer à son compagnon cette ville grandissante, d'un geste large et triste, comme pour la prendre à témoin des histoires qu'il avait dites. C'était l'exemple, s'évoquant dans l'éclatante lumière du jour. Déjà, l'on apercevait le brasillement de la grotte, affaibli à cette heure parmi les verdures. Puis les travaux gigantesques s'étendaient, le quai en pierre de taille tout le long du Gave, dont on avait dû détourner le cours, le pont neuf qui reliait les nouveaux jardins au boulevard récemment ouvert, et les rampes colossales, et l'église massive du Rosaire, et la basilique élancée, d'une grâce fière dominant tout. Aux alentours, on ne voyait de la ville neuve à cette distance qu'un pullulement de façades blanches, qu'un miroitement d'ardoises neuves, les grands couvents, les grands hôtels, la cité riche, poussée comme par miracle de l'antique sol pauvre, tandis que derrière la masse rocheuse où se profilaient les murs croulants du château, apparaissaient, confuses et perdues, les toitures humbles de l'ancienne ville, un pêle-mêle de petits toits mangés par l'âge, serrés peureusement les uns contre les autres. Et, comme font à cette évocation de la vie d'hier et d'aujourd'hui, sous la gloire de l'éternel soleil, le petit Gère et le grand Gère montaient, barraient l'horizon de leurs flancs nus, que les rayons obliques sabraient de jaune et de rose. Le docteur Chassaigne voulut accompagner Pierre jusqu'à l'hôtel des apparitions. Et là seulement il le quitta, en lui rappelant le rendez-vous qu'il lui avait donné pour le soir. Il n'était pas 11 heures encore. Pierre, que la fatigue tout d'un coup venait d'anéantir, s'efforça de manger avant de se mettre au lit, car il sentait bien que le besoin était pour beaucoup dans sa défaillance. Il trouva heureusement une place libre à la table d'hôte, mangea en dormant, les yeux ouverts, sans savoir ce qu'on lui servait. Puis il monta et se jeta sur son lit, après avoir eu le soin de dire à la servante de le réveiller à 3 heures. Mais dès qu'il fut allongé, la fièvre où il était l'empêcha d'abord de fermer les yeux. Une paire de gants oubliée dans la chambre voisine lui avait rappelé M. de Guersin, parti avant le jour pour Gaverny, et qui devait n'être de retour que le soir. Quel heureux donc l'insouciance! Lui, maintenant les membres morts de lassitude, l'esprit éperdu, était triste à mourir. Tout semblait tourner contre sa bonne volonté à reconquérir la foi de son enfance. L'aventure tragique du curé Peyramale venait encore d'aggraver la révolte que lui avait laissée l'histoire de Bernadette, élue et martyr. La vérité qu'il était venu chercher à Lourdes, au lieu de lui rendre la foi, allait-elle donc aboutir à une haine plus grande de l'ignorance et de la crédulité, à cette amère certitude que l'homme est seul en ce monde, avec sa raison? Enfin, il s'endormit. Mais des images continuaient à flotter dans son pénible sommeil. C'était Lourdes, gâtée par l'argent, devenue un lieu d'abomination et de perdition, transformée en un vaste bazar, où tout se vendait, les messes et les âmes. C'était le curé Peyramale, mort et couché au milieu des ruines de son église, parmi les orties que l'ingratitude avait semées. Et il ne se calma, il ne goûta la douceur du néant, que lorsqu'une dernière vision, pâle et pitoyable, se fut effacée, celle de Bernadette à Nevers, agenouillée dans un coin d'ombre, rêvant à son œuvre, là-bas, qu'elle ne devait jamais voir.